Chapitre 19. Sur l'île. Hélène et Vamiré, dans l'attente de l'événement extraordinaire, causaient. Les idées fondamentales de la langue des brachycéphales, le psan à présent les pouvait comprendre et exprimer. Mais il avait beau interroger la fille d'Orient, elle ne trouvait dans ses souvenirs rien qui éclairât la situation. Par son crâne superstitieux, rôdaient les antiques légendes de la bête des eaux, chassant tous les êtres animés hors des forêts, afin d'en investir l'homme. Les animaux furent sauvés par l'éléphant cornu qui règne sur les montagnes. Le serpent, rival de la bête des eaux et ennemi de l'homme, lui opposa l'être immonde qui se nourrit de ver et que les tribus sacrées anéantiront. Ces choses parlaient peu à l'esprit du nomade et même le révoltaient. L'homme ne vit-il point de chair? Et la savane comme la forêt ne serait-elle misérable sans animaux? Puis il ne pouvait concevoir une bête invisible. Son doute ébranlait les croyances d'Elem, qui cependant persévérait à murmurer les paroles propices, à se couvrir elle-même et à couvrir son amant de pratiques religieuses. Et il devait en être ainsi jusqu'à l'heure de la mort, et plus loin même si le destin lui accordait des enfants, car les choses mystiques, lentes à naître, sont comme le pigment des chairs ou la forme des crânes que seul le temps transforme ou annihile. Penchés sur le fleuve, ils attendaient la nuit. Elle traînait. Le crépuscule gardait une lueur éblouissante à la fois et pauvre, doublée par le reflet. Dans cette lueur, la rive semblait très loin et pareille sur la forêt à une frontière d'aube devant l'éternelle ténèbre. Là se mouvaient des bêtes fuyantes. Leurs corps noirs, délimités en traits vifs, les échines rondes ou infléchies, hérissées ou lisses, les têtes fines et longues ou grosses ou larges, les ramures pointues de l'élaphe, la vaste empaumure du daim, la crinière ondoyante du cheval, le tronc souple et serpentiforme de la loutre, le pesant dos bossu de l'ours. Quand enfin la nuit fut proche, les arbres et le fleuve lentement engloutis dans l'ombre, un arrêt se marqua. Plus rare à chaque minute, bientôt il n'y eut plus que des bêtes lentes, insectivores ou carnassiers vermiformes, fuyant un habitat proche. L'attention de Vamiré et d'Elem s'accrut alors, et ils perçurent une rumeur très lointaine, semblable au hurlement des loups ou à la plainte des chacals. Presque au même instant parut, sur la berge, une troupe considérable de mangeurs de ver. Ils semblaient harassés, pliés en deux, couverts de boue et de sang. Ils transportaient à bras de nombreux blessés, et devant l'impossibilité de franchir le fleuve avec ces derniers, ils restaient en détresse. Des éclaireurs d'arrière-garde surgissaient à chaque instant du couvert avec des gestes d'alarme, mais nul ne bougeait, nul ne songeait à traverser le fleuve sans les blesser, et beaucoup préparaient leur massue stoïquement pour une lutte ultime, lorsque Vamiré sauta dans sa pirogue et la dirigea vers eux. La troupe, rencontrée 4 jours auparavant, reconnut le géant blond et manifesta de la joie. Les autres, anéantis de fatigue, stupides, regardaient venir cet homme. Il atterrit, il fit signe qu'on transporta 2 invalides dans son canot. Ceux qui se souvenaient de lui obéirent. Les autres, passifs, se confièrent au hasard. Vamiré fit 15 de voyages. Alors, tous les blessés se trouvant dans l'île, les autres la joignirent à la nage. Vamiré partagea avec eux ses provisions. Il tua à coups de flèche 3 daims en fuite et un petit cheval à grosse bouche. Les mangeurs de ver, rassurés, allaient chercher les proies et sur les indications du grand nomade, les dépouillaient succinctement. Vamiré s'émouvait pour eux, attristé du dégoût d'Elem, plein d'ardeur à panser les blessés, a indiqué à chacun son gîte pour la nuit, car les mangeurs de ver, après le repas, croulèrent tout de suite au sommeil, Evamiré rejoignit sa compagne en observation à l'autre extrémité de l'île. Ils causèrent à voix basse. Hélem proposa de remonter le fleuve cette nuit même, mais Evamiré objecta l'ouragan de la veille, les troncs d'arbres charriés par l'onde brisant le canot. Il objecta aussi les mangeurs de vers qu'il avait sous sa protection. Hélem se résigna. Elle prit place en un bon abri dans le canot couvert d'une peau d'ours. Quant à lui, il resta à veiller, alimentant les feux, achevant de dépouiller les bêtes abattues, de les couper par quartier, qu'il faisait ensuite cuire pour la conservation. Les ténèbres avaient tout envahi, à peine si l'on pouvait distinguer les rives. De temps à autre, il écoutait plus attentivement. La rumeur de naguère, capricieuse, tantôt venue de droite, tantôt de gauche, se faisait plus distincte. Parfois aussi elle s'éteignait, mais toujours ensuite on l'entendait plus rapprocher. Un léger vent faisait parler les feuilles. La flamme des brasiers rebondissait sur les facettes de l'onde. À intervalles, le plongeon d'un corps et le souffle du nageur, puis le silence et la solitude sous un beau ciel constellé, sans lune. Enfin, une silhouette humaine parut à l'orée de la forêt, se mut confusément dans l'ombre, et presque aussitôt, une ondulation basse comme faite de centaines de corps en troupeau, un fracas de tempête, de retentissants abois gonflés par les échos, un débordement de vie et de vacarme rompant le silence de la ténèbre. Hélem éperdue courut auprès de Evamiré. Elle murmurait un mot inconnu du Psan, ayant distingué la voix du chien des grandes plaines stériles. Les mangeurs de vers, eux aussi, s'étaient réveillés, et tous à la lueur du brasier cherchaient le nomade. Lui, haut et grave, essayait de percer l'ombre, de se rendre compte de la menace qui faisait trembler Hélem et les tardigrades. Durant leur retraite trop lente, les mangeurs de vers avaient été attaqués par les chiens. La bête, cependant, à l'ordinaire, respectait l'homme antique dont les bandes en migration traversaient les villages canins. Mais à plusieurs reprises, les Asiatiques s'étaient servis de leurs alliés quadrupèdes pour traquer les tribus errantes. Et dans la crainte d'une battue de ce genre, les mangeurs de vers s'étaient repliés rapidement. En route, ils avaient rencontré d'autres troupes de frères, de telle sorte que leur nombre se montait à plusieurs centaines. Ils se défendaient d'ailleurs avec énergie, et presque toujours ils étaient parvenus à repousser leur terrible ennemi, lorsqu'à une demi-journée du fleuve, après un long repos, ils furent de nouveau assaillis. Le nombre de leurs adversaires croissant toujours, ils avaient éprouvé dans cette dernière lutte des pertes considérables. De plus, convaincus à la marche lente du quadrupède que les Asiatiques le guidaient, ils avaient précipité leur retraite. Arrivés le soir au bord du fleuve, encombrés de blessés et affreusement las, ils n'attendaient plus que la mort quand Evamiré les sauva. Surpris dans leur sommeil par le cri du chien, ils allaient au grand nomade comme au seul protecteur. Celui-ci rassembla les chefs. Il leur donna à chacun une place de combat sur les berges de l'île, les chargeant de grouper leurs hommes. Pour toute indication, il leva par-dessus sa tête une des antiques massues et la baissa sur un ennemi imaginaire. Cela fut très bien compris, et tous puisèrent du courage à la face exaltée du Psan, à ses beaux yeux brillants de fierté, à sa vaste poitrine élargie aux prévisions de la lutte. Il fit alimenter les bûchers, puis courut se remettre en observation. La rive opposée resta peu de temps obscure. La flamme d'un vaste foyer l'éclaira bientôt. Alors, loin de cette flamme, presque aux frontières de la lueur rouge, Evamiré aperçut le chien. Hélem le lui montrait avec insistance, disait son ombre et sa férocité quand il était conduit par l'homme, son organisation en village, son alliance avec les brachycéphales. Le Psan l'écoutait avidement. La lueur du foyer, moins fuligineuse, arrosait de clarté le quadrupède, et à le voir, plus semblable à l'hyène qu'au loup, avec sa large mâchoire, sa taille élevée, sa souplesse, Evamiré comprenait combien il devait être un dangereux adversaire. Mais son attention dévia, car une silhouette humaine s'interposait devant le feu, et une voix montait au milieu du grand silence, planait sur le fleuve. Evamiré et Hélem reconnurent la voix du chef oriental. Elle disait : « Homme des contrées inconnues, Écoute la parole de celui dont les cheveux sont blancs et à qui l'esprit de sagesse parle dans la solitude. Mes paroles veulent la paix. Alliés avec le chien, nous pouvons cependant sans crainte envisager la guerre. Que pourrais-tu, homme de l'amont du fleuve, contre les innombrables légions de la bête, aidés de nos flèches et de nos bras? Accepte la paix. Échangeons le sang de nos veines. Edelem, Vamiré comprit ces paroles. Entré à son tour dans la lueur d'un bûcher, il cria son acceptation. Le Bzan te salue, vieillard. Il écoute la fille de ta tribu, et il est prêt à échanger son sang avec le tien. Éloigne donc la bête, que la vie des mangeurs de vers soit sauve. Sur l'autre rive, les trois jeunes hommes s'étaient rapprochés, et le groupe des brachycéphales s'anima. Ils ne pouvaient fraterniser avec les fils du serpent. Le vieillard penchait à la clémence, mais un fanatique exalté parmi les jeunes prêcha le vouloir implacable de la bête des eaux, la loi des tribus sacrées, et tous, pleins de dégoût et de haine, se sentaient convaincus. De nouveau le chef s'avance. Pourquoi l'homme-frère prend-il le parti de l'être immonde? Qu'il laisse au chien, plus digne, cette proie. Mais Vamiré se révolta. Le Bzan n'oserait plus montrer son visage aux autres Bzan s'il abandonnait ses alliés. Le Bzan veut la paix, mais il la veut pour tous ceux qui sont auprès de lui. Un nouveau conciliabule réunit les orientaux, et tous les jeunes, plus désireux d'une victoire que d'un développement pacifique, penchaient à la guerre. Le chef n'osa s'opposer directement, mais il dit la force de Vamiré. Il dit aussi la gloire d'une expédition vers le nord après l'hiver et la nécessité d'être en paix avec les peuples lointains. Deux des jeunes gens parurent convaincus, tandis que le fanatique baissait les yeux dans son obstination. Même il s'approcha des rives, et pointant sa flèche envenimée vers un des mangeurs de vers. Le conseil dit que jamais ta flèche n'hésite à frapper l'immonde. Et la flèche décrivait sa mortelle parabole, frappait le tardigrade à l'épaule. Le cri de douleur de l'homme s'accompagna d'un cri de colère de l'homme blond, et une rumeur de désapprobation chez les orientaux. Homme, cria le vieillard, pardonne à l'ardeur d'un sang trop jeune. Mais Vamiré, secoué d'indignation, répliqua. Mon sang est jeune aussi, et ne saurait pardonner la perfidie. Déjà il avait armé son arc, et sa flèche imprévue frappait la poitrine de l'agresseur. Puis il courut auprès du tardigrade blessé. Les compagnons suçaient le sang de la blessure, enlevaient ainsi le poison. Vamiré procura un quasi-antidote, des feuilles alcalines dont il pressa la sève sur la plaie béante et qu'il appliqua ensuite tout humide. Dans le camp des orientaux, le vieillard soignait le blessé. Celui-ci persistait à crier des injures aux mangeurs de vers. Tous étaient révoltés, en somme, que le nomade eût frappé un homme pour venger une créature ignoble.